بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue les frères. On va commencer en cette nuit donc plusieurs assises sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فإنه لا يخفى عليكم أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, comme vous connaissez l'importance de l'étude de la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نتبع من لا نعرفه؟ Car certes, le musulman lui est ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment pouvons-nous suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Faites tabi'ouni, alors suivez-moi. Allah vous aimera et Allah vous pardonnera. Il est certes pardonneur et très miséricordieux. Et donc nous allons commencer, bi'idhnillahi ta'ala, à voir un peu qu'est-ce que la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وأنا في ذلك سأعتمد على دروس قد قام بها شيخنا الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى وقد أزيد وقد أنقص. Et donc pour cela je vais me baser sur des cours qui ont été donnés par le Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi et il se peut que je rajoute des informations et que j'en retire en fonction de ce que je vois qui est prioritaire, etc. وهذا النبي لا نجد إنسانا تكلم الناس في سيرته عبر التاريخ كما تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc, et ce prophète صلى الله عليه وسلم, on ne trouve pas dans l'histoire, dans toute l'histoire, on ne trouve pas quelqu'un dont les gens ont parlé de sa biographie autant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous lisez tous les livres, si vous regardez tous les livres qui ont été écrits dans ce sujet, c'est impressionnant. Tu ne trouves pas une personne dans l'histoire dont autant de livres ont été écrits sur sa biographie sallallahu alayhi wa sallam. وقبل أن نشرع في الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض الأمور يحسن ذكرها. Et avant de commencer à citer la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم, il y a certains points dont il est important de citer. Alhamdulillah, dans ce cours, mashallah, ça me rappelle les cours de hadith. Dans ce cours, on va faire beaucoup des invocations pour le prophète صلى الله عليه وسلم. Ce qui est bien, certains savants, ils disent, les savants du hadith, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils font beaucoup d'invocations pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'à chaque fois, ils vont dire, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. »« Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. » Et comme cela, dans la biographie. On va étudier sa biographie, donc on va beaucoup le citer. Et alhamdulillah, des hasanet. Min fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Fait... Parmi ces points qu'on va citer, fait awalan al-masadir. Premièrement, les sources. Ma hiya al-masadir allati i'tamada 'alayha al-ulama fi ma'rifati sirati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les sources sur lesquelles se sont appuyés les savants pour connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fa awwal hadhihi al-masadir Al-Qur'an. Et donc, la première source sur laquelle s'appuient les savants pour connaître la biographie, il y a donc le Qur'an. لأن القرآن فيه الكثير من الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Parce qu'il y a dans le Coran beaucoup d'informations authentiques concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que j'ai précisé informations authentiques? Pourquoi? Parce qu'il y a des informations falsifiées concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc vérifier. C'est un travail de recherche. Il faut vérifier. Ce n'est pas tout ce qui est dit qui est vrai. Mais par contre, dans le Coran, Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a préservé son livre. Et donc, toutes les informations qui nous viennent dans le Coran concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun doute les concernant. Et donc, c'est la première source nous permettant de connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالقرآن يتكلم عن شمائله وأخلاقه وخصائصه بل ويتكلم عن دلائل نبوته. Et donc le Coran va parler de ses diverses situations, ainsi que son comportement, ses spécificités, mais aussi il va parler des signes de sa prophétie. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Et il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. فَتُوفِيَ أَبُوهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. Et donc son père, en réalité son père, il est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. ثُمَّ تُوفِيَتْ أُمُّهُ بَعْدَمَا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ. Et ensuite sa mère, elle est morte après qu'il ait atteint 6 ans. ثُمَّ كَانَ فِي كَفَالَةِ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. Et ensuite il était sous la responsabilité de son grand-père, عبد المطلب. إِلَى أَنْ تُوفِيَ وَلَهُ مِنَ الْعُمْرِ 8 سِنِينَ. Jusqu'à ce que son grand-père il meure, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 8 ans. Et donc il est resté par la suite avec son oncle, Abu Talib. Fekana Abu Talib yudafi anhu. Wa yakuffu adha al-qawm anhu. Et donc Abu Talib, son oncle, il le protégeait. Il le défendait, il le protégeait du mal que voulait lui faire son peuple. Jusqu'à ce que son oncle, lui aussi, il meure un peu avant la hijra. Il a un toufiyé Abu Talib, qabla la hijra bi qalil. Fahajara al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ila al-Médina. Et donc le prophète, il a émigré à Médine. Fawajada al-Ansar. Et là, il a trouvé les Ansar. Parmi al-Aus wa al-Khazraj. Donc les deux tribu, Al-Aus et Al-Khazraj. Fahaoulai awaou. Et ceux-là l'ont accueilli. Wa nasarouhu. Et ils l'ont aidé. Wa qatalou bayna yadayhi. Et ils ont combattu avec lui. Et les savants, ils disent, Ibn Kathir, il le dit dans le tafsir de ce verset, il dit wa kullu hadha min hifdhillahi tabaraka wa ta'ala. Et tout cela et de la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala pour son serviteur, qu'il a protégé depuis sa naissance, alors que son père, il est mort, il était dans le ventre de sa mère. Puis sa mère, elle est morte, il avait 6 ans, puis son oncle, il est mort, il avait 8 ans, ainsi de suite. À chaque fois, il y avait quelqu'un pour s'occuper de lui et pour l'aider, jusqu'à ce qu'il arrive. Son grand-père, excusez-moi, donc, qui est mort. Puis son oncle. Jusqu'à ce qu'il trouve donc les Ansar. Et cela donc fait partie du destin d'Allah tabaraka wa ta'ala pour donc protéger son serviteur. Et aussi, il y a dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa wajadaka dallan fahada. Et il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Cela est comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Et donc lorsque Allah nous dit dans ce passage, وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى, il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Cela est comme sa parole lorsqu'il dit dans le sens rapproché des versets, et de la même façon, nous t'avons fait révélation. Nous t'avons fait parvenir la révélation venant de notre ordre, alors que tu ne savais pas qu'est-ce que le livre et qu'est-ce que la foi. Cependant, nous en avons fait une lumière par laquelle nous avons guidé qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et certes, tu guides vers une voie de rectitude. On va en profiter pour réviser de temps en temps. Dès qu'on a la possibilité, Inch'Allah, on va profiter pour réviser. Normalement, on a déjà vu ce verset. Du moins la fin. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Certes, tu guides vers une voie de rectitude. Et on avait vu un autre verset qui stipule وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتِ. Et tu ne guides pas qui tu veux. Et donc d'un côté tu guides vers une voie de rectitude, et de l'autre côté tu ne guides pas qui tu veux. On avait vu cela lorsqu'on avait abordé le tafsir de Surat al-Fatiha, qui m'explique comment on rassemble ces deux versets. Surat al-Fatiha, c'était loin. C'était il y a 2 ans, je crois, peut-être. Non. Non. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Vous avez compris? Ou pas? On l'avait dit. Et donc, innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas celui que tu aimes. Ça, c'est la guidée de la réussite. Hidayatut tawfiq. C'est-à-dire que la réussite n'est pas donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas lui qui détient la guidée des cœurs. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui détient la guidée des cœurs. Et qui permet d'accorder la réussite à quelqu'un. Et donc, hidayatut tawfiq. Mais par contre, dans le verset, innaka la tahdi. Certes, tu guides vers une voie de rectitude. Ça, c'est la guidée de al-bayan wal-irshad. L'explication. Le fait de démontrer. Et donc le prophète, il guide, c'est-à-dire qu'il nous montre la vérité. Mais il n'a pas la capacité de nous faire accepter la vérité. Ça, tout cela, seul Allah tabaraka wa ta'ala peut le faire. Wa takallama Allah fi al-Qur'an an bad'i nuzul al-wahyi alayhi. Et donc Allah, il a parlé dans le Coran concernant le début de la révélation qui était faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, lorsque Allah il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Récite, lis par le nom de ton Seigneur, celui qui a créé. Qui connaît la suite? Ah, vas-y. Hasbuk, c'est bon. Barakallahu fik. Et donc, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur, celui qui a créé. Khalaq al-insana min alaqa. Celui qui a créé l'être humain d'une adhérence. Ikra wa rabbuka al-akram. Lis. Et ton Seigneur est le plus noble. Alladhi 'allama bil qalam. Celui qui a enseigné par la plume. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'être humain, à l'homme, ce qu'il ne savait pas. Pourquoi est-ce que je vous ai cité ça? La suite. Pourquoi est-ce que j'ai cité la suite? Hein? Justement, il a enseigné à l'homme qu'il ne savait pas. Mais qu'est-ce que je veux par là, moi? Moi, je veux quelque chose de bien précis. Toi, ce que tu as dans ta main? un stylo. Et donc, ce que je veux vous faire par, ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que la science, si tu veux en bénéficier correctement, il faut noter. Parce que l'homme, il oublie. Les plus grands savants, ils peuvent oublier. Et ils disent, al-dhakiratu khawana. La mémoire est trompeuse. La mémoire est trompeuse. L'imam Ahmed, qui mémorisait 1 million de hadiths, 1 million de hadiths, à chaque fois il venait et avec son cahier. Il récitait les hadiths depuis son cahier, alors qu'il les mémorisait. Et donc il est important, mes frères, de prendre des notes, de noter. Parce que sinon tout ce qu'on dit, après, sera oublié. Surtout quand on parle de sira, la biographie. Pour l'instant, on est encore au début. Mais lorsqu'on va arriver dans des histoires, il se peut qu'on reste comme ça, à écouter, à écouter, à écouter. Et à la fin du cours, ah, qu'est-ce que c'était bien, franchement, ce qu'on a vu. Le lendemain, mais qu'est-ce qu'on a vu? Allahu a'lam, mais c'était bien. C'est vrai, hein? Allahu a'lam, mais c'était bien. Et donc, il faut profiter pour noter les frères, tant qu'on peut. Tant qu'on peut, barakallahu fikoum. ويتكلم كذلك عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند تلقيه الوحي. Et donc le Coran aborde aussi la situation du prophète صلى الله عليه وسلم lorsque la révélation lui était faite. Allah تبارك وتعالى il dit لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ne bouge pas ta langue pour te précipiter par celui-ci, ou pour celui-ci. Ce verset-là, il veut dire quoi? Parce que le cheikh Arafat, lorsqu'il a cité ce passage, le cheikh ici, il nous cite plein de versets du Coran, dans lesquels on voit plusieurs passages de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il cite ce passage, il se peut que la personne ne comprenne pas ce qui est voulu par là. Qu'est-ce qui est voulu par là? Lorsque Allah, il dit à son messager de ne pas bouger sa langue pour ne pas se précipiter pour celui-ci. Mm-hmm. Et donc, barakallah fik, mashallah. Et donc, Jibril, il venait, il récitait le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait qu'un Jibril yakra'u le Coran à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, lorsqu'il donc entendait les versets qui lui étaient récités, il avait peur de les oublier. Il avait peur d'oublier certains passages. Alors pendant que Jibril récitait, lui aussi il voulait réciter en même temps, pour pouvoir le mémoriser rapidement. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, « La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. » Ne bouge pas ta langue par celui-ci pour te précipiter en cela. « Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. » C'est à nous de le rassembler en toi, le Coran, dans ta poitrine, pour que tu le mémorises. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Et lorsque nous l'avons récité, alors à ce moment-là, tu fais suivre par ta récitation. Et donc, encore une fois, un autre point qui nous montre l'importance de faire des efforts pour mémoriser. Le prophète, lorsque la révélation elle lui était faite, il voulait absolument mémoriser cela. Parce que c'est qu'on aime les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. On aime les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, on veut les mémoriser. Et comme cela, tous les musulmans doivent faire des efforts pour essayer de mémoriser le livre d'Allah, le lire correctement. D'ailleurs, il y a des assises, donc je rappelle, il y a des assises donc les jeudis, après le Maghreb, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, le Coran, vendredi après le Maghreb, avec le frère Yassine, hafizahullah, donc pour la récitation du Coran. Ensuite, le cheikh, il a abordé donc un autre verset. وَكَذَلِكَ الْقُرْآنَ تَكَلَّمَ عَنْ اِتِّهَامَاتِ الْمُشْرِكِينَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le Coran a aussi abordé le sujet des accusations que les polythéistes ont eues envers le prophète صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Allah Azza wa Jal qui dit إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Et certes, lorsqu'il leur fut dit « La ilaha illallah », ils s'en prenaient d'orgueil. Et ils disaient « Est-ce que nous allons délaisser nos divinités pour un poète fou ?» Pour un poète Mejnoun. Et comme cela, il a été dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors toi, ce n'est pas grave, laisse les gens parler sur toi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les insultes qu'ils disent concernant les musulmans et autres. Alhamdulillah, tu sais que tu es sur la vérité. Cela ne te fait aucun tort. C'est pas grave, laisse les gens parler. Laisse-les parler. Alhamdulillah, toi tu avances. Avec le Coran et la Sunna, tu apprends la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, alhamdulillah, n'accorde aucune importance à tout ce qui est dit sur toi. Il a été dit bien pire que cela à ceux d'avant nous. وتكلم كذلك عن بشريته. Le Coran a aussi abordé le côté humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Dis certes, je suis un être humain comme vous. Mais certes, il me fait révélation que votre divinité est une divinité unique. ومواضع أخرى كثيرة جدا في القرآن. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم أذكر لكم إلا القليل منها. Il y a aussi beaucoup d'autres passages dans le Coran qui citent donc le prophète صلى الله عليه وسلم, mais je n'ai cité aujourd'hui que certains passages. C'est juste pour vous montrer un exemple, pour vous montrer que le Coran, il y a beaucoup de passages du Coran qui parlent du prophète صلى الله عليه وسلم. أما المصدر الثاني, la deuxième source. La deuxième source qui nous permet donc de connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est-elle? Qui me souffle la réponse? As-Sunnah. Et donc la deuxième source, on va pas dire As-Sunnah, on va dire Kutubul Hadith. Les livres de Hadith. فيذكرون أي أهل الحديث المحدثون يذكرون بعثته وهجرته ومولده ومغازيه. Donc les gens du hadith, ils vont citer donc le début de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son émigration, sa naissance, ses batailles. وأشهر هذه الكتب وأولها. Et le plus connu de ces livres et le premier. Le premier livre, donc, Naam, l'imam Malik. Quel est le nom du livre? Al-Muwatta. Le premier livre, donc, dans ce sujet, le premier livre qui va aborder beaucoup de passages de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Wa hakadha tabi'ahu al-ulama. Et c'est ainsi que les savants l'ont suivi. Fajja al-Bukhari, rahimahullah. Et donc al-Bukhari, il est venu avec son livre Sahih, en citant beaucoup de passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hakadha Muslim, et de la même façon Muslim. Wa Abu Daoud, wa Nasa'i, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, et d'autres, parmi les ulémas du hadith. Ainsi que l'imam Ahmed et al-Hakim. ولعل أوسع هذه الكتب أو أوسع كتاب مسند ذكر الشيء الكثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو المسند للإمام أحمد. Et donc il se peut que le livre le plus vaste, le plus gros livre abordant beaucoup de passages de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم, il se peut donc ce soit le مسند de l'imam Ahmed. On fait la différence entre... Là, on va aborder... Je vais faire une petite parenthèse. Et donc, le cheikh, il nous dit donc... Le livre le plus gros livre, Mousned... C'est quoi un livre qui est Mousned? C'est quoi un livre qui est Mousned? Ça nous fait penser à quoi, Mousned? Ça nous fait penser à Sened. C'est quoi Sened? Hein? S'appuyer sur quelque chose. Ah, pas mal. S'appuyer sur quelque chose. Mais dans la sens du hadith. Là? La chaîne de transmission. Mais ça va aussi dans le sens s'appuyer sur quelque chose. Parce que le hadith, il s'appuie sur la chaîne de transmission. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? La chaîne de transmission. Pourquoi? Si vous voyez beaucoup de livres concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver le prophète, il a dit ça, le prophète, il a fait ça, le prophète, il a dit ça, le prophète, il a fait ça, le prophète, il a dit ça, le prophète, il a fait ça. Et les gens, ils voient tout ce qu'ils lisent et ils croient, ils croient, ils croient, ils croient, ils croient. Ah, le prophète, il a dit, on ne sait pas, ils croient, ils croient, ils prennent tout, comme si c'était vrai. Sans vérification. La chaîne de transmission te permet de vérifier. Est-ce que réellement ça s'est passé ou pas? Et donc, parmi les livres les plus larges, citant les chaînes de transmission qui ont abordé beaucoup de passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le Mousned de l'imam Ahmed. Et donc, on fait la différence entre un livre qui est Mousned, donc c'est-à-dire un livre qui cite la chaîne de transmission, et un livre qui s'appelle Mousned. Là, ça commence à chauffer un peu. Et donc, un livre qui s'appelle Mousned. Il y a plusieurs livres. Il y a Sunan. Il y a plusieurs livres, vous avez déjà remarqué. Sunan Abi Daoud, etc. Il y a des livres qui s'appellent Sunan. Il y a des livres qui s'appellent Mousned. Un Mousned, c'est un livre qui cite des ahadiths en les rangeant par un ordre qui dépend des rapporteurs. Exemple. Imam Ahmed, il va nous mettre dans son Mousned, il va marquer Mousned Aïcha. Ce qui veut dire tous les hadiths de Aïcha. Et il va nous citer tout d'abord les hadiths de Aïcha. Et ensuite, il va passer à un autre. Et ensuite, un autre. Mousned Omar. Il va citer tous les hadiths de Omar. Et ainsi de suite. Et donc, un Mousned, c'est un livre qui cite les hadiths en fonction de la chaîne de transmission. En fonction des rapporteurs qui ont été cités dans la chaîne de transmission. Et donc, on fait la différence entre un livre qui s'appelle Mousned et un livre qui est Mousned. Un livre qui est Mousned, c'est un livre qui cite la chaîne de transmission. Un livre qui s'appelle Mousned, c'est un livre qui rend, dans lequel les hadiths sont rangés en fonction des rapporteurs. On fait la différence entre les deux, Inch'Allah ta'ala. Thumma, al-ulama qassamu al-sira ila aqsam. فمنهم من كتب في فضائله ومنهم من كتب في شمائله وخصائصه والدلائل. Et donc ensuite les savants, ils ont divisé la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en plusieurs groupes. Il y a donc certains qui ont écrit certains écrits sur al-fada'il, on va voir ce que c'est plus tard qu'al-fada'il, ainsi que al-shama'il, on va voir plus tard ce que c'est que al-shama'il, ainsi que al-khasa'is et al-dala'il. Tout cela, on va l'expliquer parce qu'aujourd'hui, donc, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment rentrer dans les récits prophétiques, les histoires, etc. On va commencer avec une introduction qui nous sera utile tout le long de notre étude, Inch'Allah ta'ala. Et donc, Al-Shama'il, qu'est-ce que c'est que Al-Shama'il? Al-Shama'il, hiya al-kutub. التي تشتمل على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم العملية في عبادته وفي هديه وفي معاملته وغير ذلك. Ce sont donc des livres, الشمائل, ce sont des livres qui contiennent les diverses situations du prophète صلى الله عليه وسلم, de son adoration, de sa guidée, de ses comportements avec les gens, ses relations et autres. Les situations du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon générale. وَلَعَلَّ أَوَّلَ كِتَابٍ أُلِّفَ فِي هَذَا هُوَ كِتَابُ أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِي. Et donc, il se peut donc que le premier livre qui a été écrit dans ce sujet, Al-Shama'il, ce soit le livre de Abi Isa al-Tirmidhi, qui s'appelle Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Barakallahu fik Abdelaziz. الشمائل المحمدية ومن ميزات هذا الكتاب أنه مسند. Et parmi les bons côtés de ce livre, Al-Shama'il al-Muhammadiyya, il y a le fait qu'il est mousned. Ça veut dire quoi? Hein? Alors là, tu t'es mélangé là. C'est le fait que les chaînes de transmission, elles sont citées dans le hadith, dans le livre. D'accord? Et donc, Al-Shama'il al-Muhammadiyya. Wad-Dala'il. Qu'est-ce que Al-Dala'il? هي الكتب التي تختص بالآيات والمعجزات التي جعلها الله في حق نسب في حق نبيه صلى الله عليه وسلم. Et donc ce sont des livres qui sont spécifiques. Donc les livres qu'on appelle الدلائل, ça nous rappelle, c'est le pluriel de dalil. Et donc ce sont des preuves, cela nous montre la prophétie du prophète صلى الله عليه وسلم. Et donc ce sont des livres qui citent spécifiquement les signes et les miracles que Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à son prophète. Wa hiya allati tudhhiru al-hujjata litasdiqi bin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce sont ces signes et ces miracles qui vont montrer donc les preuves permettant d'avoir foi en ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huna fa'ida. Il y a ici une information, une leçon importante. Donc, j'ai vu dans un des écrits de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Messih. Cheikh al-Islam, il dit, selon la signification, que لو سألنا النصارى واليهود عن موسى وعيسى عليهما السلام عن دلائل نبوتهما سيذكرون لنا الآيات والمعجزات. Si on demande aux chrétiens et aux juifs des preuves montrant la prophétie de Moussa et de Isa, ils vont nous citer des miracles, etc. Les signes qu'il y a eu, les miracles qu'il y a eu. Cheikh al-Islam dit Taïb. فَإِذَنْ مَا الْمَانِعَ أَنْ تُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدِ. Et donc, qu'est-ce qui vous empêche de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Puisque lui aussi, il a eu des miracles. Puisque vous avez mis comme preuve de la prophétie les miracles, et donc sachez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il est venu avec des miracles. Et donc, quels sont donc parmi les plus grands miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand signe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Qur'an. Qu'on a avec nous jusqu'à aujourd'hui. Plus de 1400 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Aucune transformation. Aucune transformation. Le plus grand miracle. Et donc, les livres qu'on appelle Ad-Dala'il, ce sont des livres dans lesquels vous allez trouver tous les miracles qui sont liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi vous pouvez aussi trouver des karamates, c'est-à-dire donc des miracles liés aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car eux aussi ils en ont eu, et cela vous pouvez les trouver dans ce genre de livre que l'on appelle Ad-Dala'il. Et parmi les livres les plus importants qui ont été écrits dans ce sujet, il y a Ad-Dala'il al-Nubuwwah de Abi Daoud al-Sijistani, ainsi que Dala'il al-Nubuwwah de Abi Bakr ibn Abi Dunya. Wa ghayruha. Amma Kutub al-Khasa'is. Et donc pour finir, on a Kutub al-Khasa'is, des livres qui s'appellent al-Khasa'is. Hiya allati tadhkuru al-Khasa'is allati biha fuddila an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala ghayrihi min al-bashar. Al-Khasa'is, ce sont des livres qui vont stipuler toutes les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font qu'il est favorisé à autre que lui parmi toutes les créatures. Et donc, Al-Khasa'is. Et un autre genre de livre qui va dans ce sens-là, Al-Fada'il, des livres qu'on appelle Al-Fada'il, ils vont spécifier tous les éléments qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est favorisé aux autres prophètes. Là, c'est pas à toute la communauté, là, c'est aux autres prophète. On fait la distinction entre Al-Khasa'is et Al-Fada'il. Et donc, on va commencer avec un peu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après qu'on a compris donc quelles sont les sources qui nous permettent de trouver les informations liées à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons donc commencer aujourd'hui à aborder un peu de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous fait 36 minutes, on ne va pas non plus faire une heure, ça va faire beaucoup moi aussi je pense, mais on va commencer un peu. Et donc vu qu'on commence avec la biographie, on commence où ? Sa naissance. Hein ? Ses ancêtres. Voilà, barakallahu fik. On commence pas avec la naissance, on commence. La naissance, inch'Allah, ce sera la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va commencer avec les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أشرف القبائل وبأشرف النسب. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, Allah l'a envoyé dans la tribu la plus noble, avec la descendance, excusez-moi, avec l'ascendance la plus noble. فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient des descendants de la tribu de Mudar. Cette tribu de Mudar qui est la plus connue des tribus des Arabes. Et ce sont eux donc qui sont les descendants de Nizar ibn Mu'adh, qui est le fils de Adnan. Adnan qui est le petit-fils de Ismaïl. فجاء في صحيح البخاري أن هرقل لما سأل أبا سفيان قال له كيف نسبه فيكم. Il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que Hirakl, lorsqu'il a demandé à Abba Soufiane, il lui a demandé comment était son ascendance chez vous, sa lignée. Quelle est sa lignée ? Puisqu'Abu Soufiane, il est allé voir Hirakl pour lui dire de ramener les musulmans qui avaient fui donc Al-Habasha. Les musulmans qui avaient fui Al-Habasha pour se protéger du mal des habitants de Quraysh, ils sont allés donc se réfugier auprès de Hirakl. Abu Soufiane, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu parler à Hirakl pour que Hirakl les ramène à Quraysh, pour que Quraysh puisse encore les taper, etc., etc. Et donc Hirakl demande à Abu Soufiane, quelle est sa lignée ? La lignée de cet homme dont vous parlez, Mohammed. Est-ce que c'est quelqu'un qui, chez vous, il a une bonne lignée ? Abu Soufiane l'a répondu, Naam huwa dhu nasabin fina. Oui, c'est quelqu'un qui, parmi nous, il a une bonne lignée. Ensuite, Hirakl a continué les questions. Il a posé plusieurs questions. Et à la fin, il lui dit, Fakod sa'altuka an nasabihi. وَذَكَرْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ فِيكُمْ. Je t'ai interrogé concernant sa lignée. Et tu as répondu en disant que c'est quelqu'un qui a une noble lignée chez vous, parmi vous. وَهَكَذَا الْأَنْبِيَا. وَهَكَذَا الْأَنْبِيَا. يُرْسَلُونَ يُرْسَلُونَ إِلَى قَوْمِهِمْ. Et c'est comme cela que sont les prophètes. Ils sont envoyés à leur peuple alors qu'ils ont une lignée noble parmi donc ce peuple. Et donc cela fait partie des signes qui nous montrent la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَجَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمِ. Il a été cité dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna Allah astafa kinana min waladi Ismail. Certes, Allah a choisi Kinana de la descendance de Ismail. Wastafa Quraishan min Kinana. Il a choisi Quraish de la descendance de Kinana. Wastafa min Quraishin Hashim. Et il a choisi de Quraysh, donc Beni Hashim. Wastafani min Beni Hashim. Et il m'a choisi parmi donc les Beni Hashim, la descendance de Hashim. ce hadith qui est dans Sahih Muslim. Fattafaqa ahlu siyar wal akhbar ala dhikri nasabihi ila Adnan. Et donc les historiens et les spécialistes de l'étude des lignées sont tous unanimes sur la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va citer sa lignée donc pour finir, et je vous laisse noter la lignée. فهو محمد ابن عبد الله. Et donc il s'appelle Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Tout le monde est à jour? Ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay. Qaf Sad Ya. Ibn Kilab. Ibn Murra. Ibn Ka'b. Ibn Lu'ay. Ibn Ghalib. Ibn Fihr. Ibn Malik. Et attention, ici, le cheikh, il a oublié Nadr. Donc, pour ceux qui suivent directement sur les cours du cheikh. Donc, Ibn Malik, Ibn Nadr. Et Nadr, c'est qui Nadr? C'est qui Nadr? Quraysh. Il a été dit que c'est lui qu'on appelait Quraysh. Ibn Kinana. Ibn Khuzaymah. Ibn Mudrika. Ibn Ilyas. Ibn Mudar. Ibn Nizar. Ibn Mu'ad. Ibn Adnan. وقد اتفقوا على أن عدنان من ذرية إسماعيل. Et ils sont unanimes sur le fait que Adnan fait partie de la descendance de Ismaïl. Et donc ça, c'est du côté de son père. Ça, c'est du côté de son père. Parce que bon, là, on voit clairement donc, que du côté de son père, il a une descendance noble. Mais voyons voir du côté de sa mère aussi. Est-ce que sa mère aussi, sa descendance, son ascendance, excusez-moi, elle monte aussi jusqu'à, donc, Ismaïl ou autre? Fa'ummuhu hiya, c'est quoi le nom de sa mère? Amina. Ummuhu hiya Amina. Bintu Wahb. Amina bintu Wahb. Ibn Abdi Manaf. Ibn Zuhra. Ibn Kilab. Et je m'arrête là, pourquoi? Parce qu'on l'avait déjà vu dans la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la lignée de son père et de sa mère, elles se rejoignent chez Kilab ibn Murra. Naam. Ibn Kilab. Et donc, après c'est la même chose. Jusqu'à Ismaïl. Jusqu'à Adnan, qui fait partie de la descendance d'Ismaïl. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'une lignée noble, et cela donc fait partie des signes des prophètes. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on va commencer la semaine prochaine, bi'idhnillah, avec donc ses noms, sa kunya et sa naissance. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين.